caramel. Un directeur général parti en arrêt maladie le 31 mars, 15 jours avant le CA qui traditionnellement voit le budget de l'année se voter. Finalement, le budget 2023 sera quand même voté malgré l'absence du directeur général. Directeur général qui ensuite annonce qu'il ne demandera pas à ce que son mandat soit renouvelé en septembre 2023. Un directeur administratif et financier en arrêt maladie pendant les mois de février et de mars, puis soldant ses jours de congé jusqu'à son départ à la retraite fin 2023. Une gestion par intérim qui se limite à expédier les affaires courantes, c'est-à-dire déclencher le paiement des salaires, assuré par le directeur des musées de Toulouse, nommé à ce poste en urgence par la mairie de Toulouse. 500 000 euros de déficit, une trésorerie annoncée à sec pour octobre prochain. Il n'y a pas à dire, c'est pas la grande forme du côté de l'ISDAT, l'Institut supérieur du design et des arts de Toulouse, ce que l'on appelait quand j'étais jeune les Beaux-Arts. Un audit financier et un autre organisationnel est en cours. Le premier sera donné en juin, le deuxième on aura les résultats en septembre. Audit demandé par la mairie de Toulouse qui refuse actuellement de communiquer aux représentants syndicaux le compte de résultats 2022, tout en semblant relativiser les difficultés actuelles de l'ISDAT, qui selon Nicole Yardeni, élue à la mairie à la culture et par ailleurs présidente du CA de l'ISDAT, interrogée il y a 15 jours par le journal en ligne Mediacité, leur a répondu par écrit que finalement les difficultés, je cite Madame Yardeni, les difficultés auxquelles sont confrontées toutes les écoles d'art en particulier territoriales comme l'ISDAT, relève des hausses de coûts dans plusieurs domaines. Donc si l'ISDAT, et si on a bien compris Madame Yardeni, si l'ISDAT va mal en ce moment, c'est à cause de l'inflation. Je vous le rappelle, Madame Yardeni est la même personne qui, pendant la campagne municipale de 2020, avait juré ses grands dieux que jamais, au grand jamais, le groupe Merci, troupe de théâtre expérimental, ne quitterait la halle Mazar, qui était son lieu de travail, de résidence et d'invention depuis 1996, groupe Merci qui quand même quitta la halle Mazar en 2021 de son plein gré pour éviter l'expulsion sans que la mairie ne lève le petit doigt pour l'aider à y rester. L'ISDAT va donc très mal. Les salariés ne savent toujours pas comment la prochaine année scolaire va pouvoir commencer. Les étudiants actuellement passant leurs examens se demandent où ils pourront poursuivre leur formation et espèrent dans ce climat plutôt morose que la DRAC, la deuxième tutelle de l'ISDAT après la ville, prenne sa part dans les décisions à venir. En attendant, une pétition ayant recueilli 1500 signatures en une journée a été envoyée à la mairie de Toulouse et cette pétition rappelle, je cite cette pétition, le rôle de l'ISDAT dans l'avenir et de la scène locale et de la scène nationale. Affaire à suivre et on va en parler dans le courant de cette émission. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou. 24e et dernière saison réalisée par Marc Lazzaro. Ce soir, Eddy Boubaker nous présentera au téléphone le nouveau 45 Tours de Esch, le groupe qui l'anime. Et puis, nous reviendrons sur les actuels problèmes à l'ISDAT de Toulouse avec Laurent Cartier, un étudiant de cet Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Jean-Pierre Lérac nous vantera de son côté le dernier concert de la saison d'Un pavé dans le jazz. Quant à notre bon professeur Thibault, il sera au rendez-vous de sa chronique s'il arrive à prendre le dernier métro qui l'amènera vers le campus Paul Sabatier aux alentours de 19h. Donc il sera au rendez-vous de cette émission avec sa chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et pour tout dire essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, Frederica Alesina. Voilà quelqu'un que l'on aime et que l'on suit depuis maintes années dans cette émission hebdomadaire. Eh bien, Frederica Alesina est de retour après un hiver 2023 où on l'a beaucoup vue sur scène à Toulouse, dans le cadre du Festival des Tours de Chant, par exemple à l'Espace Job, ou alors deux fois au Taquin, en chanteuse de jazz, la première fois pour fêter l'anniversaire de son oncle, Christian Tonton Salut. Et puis un invité très spécial du collectif Troisième Face qui ce soir-là fêtait avec elle 5 ans d'activité tous azimuts. Et bien voilà que Frederica Alesina, en ce début d'été assez pluvieux, assez orageux, sort un premier single, Théou, disponible depuis lundi sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Single qui annonce, super bonne nouvelle, un album qui pourrait sortir à la rentrée. En attendant, Frederica Alesina, on l'écoute tout de suite, t'es où? C'est caramel mou et c'est tant mieux. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis pour le pain, pour le pain blanc, pour le pain, pour je poursuis le pain, je poursuis le t'es parti où? T'as ôté quoi? T'as ôté nous? T'as ôté moi? Qu'a fait le tour? Noyé le bois? Et je te poursuis, vrai comme je suis. Vents et marées, très comme la pluie. Et si tu me rejettes, je me rejette à ton cou, bah mon cœur bat. Mais t'es où? Mais t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je te vois pas. T'es passé où? C'est où chez toi? C'est tout au bout. C'est là où je suis pas, au debout là où tu m'aimes pas. Toi le lapin qui remet tout au lendemain, tout va, toi mon lapin blanc comme mes seins, sans ces mêmes six quand je te vois. Je t'ai mené par là. Il m'a quitté et j'ai même plus qui c'est. Qu'a laissé qui? Qu'a perdu quoi? Qu'a peur du vide, peur du pire, de faire la paire de l'autre de soi. Toi le lapin blanc comme mes seins, même si je te t'aime sans ma raison. Telle raison, telle vérité. Et t'aime sans ma raison. Telle raison, telle vérité. Et t'aime sans ma raison. Telle raison, telle vérité. Et t'aime sans ma raison. Telle raison, telle vérité. Mais je suis où, et qui c'était? Pour toi, même si t'es plus là, moi je le suis, moi je te vois. Mais suis où, et quoi si t'es pas là? Ma cité, elle, et où tu vas? Mais suis où, fais quoi si t'es plus là? Ma cité, elle, et caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon? Eddie Boubaker, bonsoir. Oui, bonsoir, en fait. On vous a au téléphone parce que vous ne pouviez pas venir jusqu'à nous ce soir, histoire de parler d'un 45 tours qui sort ces jours-ci, 45 tours d'un des groupes que vous animez. Il est vrai que vous animez quand même pas mal, et celui-là c'est Esh. Avant de parler de ce 45 tours, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est Esh? Alors, Esh, c'est cinq musiciens, c'est Andy Lévesque au saxophone et au clavier, c'est Walkin Rodriguez à trompette, percussion, voix, danse, harmonica et j'en passe. C'est Julien Gineste avec son saxophone, lui aussi, c'est un groupe à deux saxophones et un clavier aussi, donc deux saxophones, deux claviers. C'est Erwan Lamer à la batterie. Lui, il fait que de la batterie. Et c'est moi à la guitare et basse en voilà. Même temps. Guitare et basse que vous jouez depuis un petit moment, mais on vous a vu aussi au début de votre carrière à Toulouse jouer aussi du sax. Un univers Esh qui va fourrailler dans plein d'univers, sur plein de territoires, l'improvisation, le free, mais aussi les musiques, j'allais dire, les musiques folkloriques. Alors, par exemple, dans le 45 tours qu'on vient de sortir, il n'y a absolument aucune improvisation. Enfin, il y a des choruses de guitare, de trompette, de machin, mais c'est tout est écrit, quoi. Voilà, c'est pas une musique improvisée du tout. C'est des compositions. Généralement, c'est moi qui fais les compositions de ce groupe-là. On les arrange ensemble, mais voilà, c'est des idées à moi. Et effectivement, il y a énormément de d'influence dans ces musiques, dans les musiques qu'on fait, quoi. Voilà. Là, par exemple, le 45 tours, c'est nos deux morceaux les plus, disons avec des gros guillemets, afro, quoi. Oui, c'est vraiment, complètement. Moi, j'ai joué de la musique africaine quand j'étais plus jeune. Avec des Africains, quoi, de la vraie musique africaine. Donc c'est eux qui m'ont appris la musique, un peu, en gros, quoi. Donc c'est des sortes, des choses. Après, je suis passé à l'impro libre, des choses très, très expérimentales, mais ça reste en moi. C'est des choses que je ressors maintenant avec Esh. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pas du post-punk, de la no wave, voilà, des trucs comme ça, qui fait tous ces ingrédients-là qui viennent se mélanger et qui sont digérés depuis longtemps, et voilà. Oui, on fait pas une musique de style, quoi. Voilà, chaque morceau a une vraiment une série d'influences à soi. Quoi. Et c'est vrai que lorsque vous parlez donc des musiques africaines ou d'autres musiques traditionnelles et populaires mélangées à un esprit pas très loin du post-punk, du post-rock, du noise, des choses comme ça, c'est vrai que c'est des sonorités qu'on entend de plus en plus chez des gens qui ont commencé en jouant du jazz et en s'affranchissant au fur et à mesure des codes de cette musique. C'est possible parce que moi j'ai pas du tout commencé en jouant du jazz, donc je suis vraiment moi je suis assez âgé maintenant, hein, je te dis ça avec ce temps. Ben oui, on doit avoir moi, à peu près le même. J'ai commencé la musique en 77, c'est-à-dire moi ce qui m'intéressait c'était de prendre une guitare électrique et de faire du bouillie avec, quoi, à l'époque. Donc c'est venu bien après. Mais je me suis jamais vraiment senti comme un musicien de jazz, de jazz, quoi. Donc j'ai joué de la musique africaine, j'ai joué du blues, j'ai joué du rock, j'ai joué de la musique progressive, j'ai joué du punk, j'ai joué du reggae, même du dub, j'ai fait ça, j'ai fait plein de trucs avant d'en arriver là. Et toutes ces choses-là, et j'ai fait du jazz aussi, mais mal. Voilà. Et voilà, toutes ces choses-là font que maintenant je ressorte des musiques qui sont un peu ovnis comme ça, quoi. Qui sont la somme de toutes ces influences. Dans la multiplicité des formations plus ou moins éphémères dans lesquelles vous avez joué, Esch à quelle place? Bah, en ce moment, là, c'est le groupe le plus stable, le plus solide. Parce que c'est quand même la musique. Enfin, j'ai d'autres formations, mais ça reste les autres. C'est encore de la musique improvisée, même si c'est des choses assez rock noise, etc. Comme avec Tac, par exemple. Mais voilà, avec Esch, c'est des morceaux. Les gens peuvent danser dessus. Donc du coup, on a plus de concerts, on a plus d'occasions de sortir des disques. Voilà, donc ça a une place un peu plus prépondérante de ce côté-là. Mais aussi, on aime bien, enfin, moi j'aime beaucoup ce rouge, enfin, voilà, c'est vraiment la musique qu'il y a en moi. Mmh. J'ai vraiment trouvé avec mes quatre autres partenaires, qui amènent chacun aussi vraiment leur identité propre, leur façon de jouer, c'est ce groupe-là. C'est ces cinq personnes-là, et c'est pas autre chose. Vous disiez que la plupart des compositions étaient de votre cru. Le travail d'arrangement se fait donc avec vos quatre autres collègues. Oui, en gros, moi j'amène deux, trois idées, une structure plus ou moins finie, et puis on bosse les morceaux ensemble, et puis chacun, voilà, des fois je leur dis, ben voilà, toi tu joues ça, et puis... le jouent, mais souvent c'est eux qui trouvent leur partie. Ils donnent des coups de pied dans le morceau en disant non, mais ton truc il marche pas comme ça, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'ensemble. Qu'est-ce qui fait que cette musique-là, les deux morceaux que vous proposez cette semaine sortent en 45 tours? C'était vraiment un passage nécessaire pour vous, le vinyle? Le 45 tours en particulier, ouais. Ouais, moi j'ai toujours eu, j'ai jamais fait de 45 tours, c'est mon premier 45 tours, et j'ai toujours eu envie de faire des 45 tours, et on s'est même dit que on allait continuer à sortir, on a des séances de studio prévues d'ici la fin de l'année, là, à sortir nos morceaux, mais en 45 tours. Ah ouais. Voilà, c'est un peu, en choisissant, il y a vraiment le côté, un 45 tours est un objet vraiment comme un objet physique, mais aussi un objet musical avec une face A, une face B. Il y a une histoire de face A, de face B qui est très importante, qui est dans l'histoire du 45 tours. Il y a vraiment cette histoire de face A et de face B aussi. Et avec une superbe pochette. Et des pochettes magnifiques. Et celle-là en particulier. Donc 45 tours qui sort cette semaine. Vous disiez que avec Esch vous aviez pas mal de concerts. Il y a des concerts qui s'annoncent dans la région et pour la rentrée à Toulouse. Ouais, là il y a rien dans la région avant fin août et puis après mi-octobre. Et ça se passera où? Alors fin août, on va faire une sortie de résidence à côté du festival Baignade Sauvage. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est pas dans la prog officielle, oui. Mais c'est porté par le festival. Donc il y aura une com pendant le festival. Donc ça c'est effectivement fin août entre Théiette et Saint-Juéry. Alors ça sera, ouais, je crois que c'est à Saint-Juéry exactement le lieu où on va jouer. Je sais plus exactement. Et puis en octobre, on a trois dates, donc Ria à Toulouse. Mmh. Et on continue à chercher des dates, justement, pour. On aimerait bien que présenter. On a joué il y a pas longtemps à Toulouse, à la CAFPO. Oui, oui, oui. On a joué il y a même pas un mois, quoi. Mmh. Donc voilà. Faut se remettre de ce concert-là. Bon, bah, écoutez, très bien, Eddy Boubaker, merci de nous avoir téléphoné. Je voulais juste faire une petite annonce, c'est qu'il y a Welkin Rodriguez qui fait. Oui, dans le trompettiste de Hesch. C'est lié à Hesch, et très lié à Hesch, qui fait une performance ce soir, je crois qu'à 19h30 ou un truc comme ça, et c'est un disquaire dont je viens d'oublier le nom. Ah. Oh mince. Oh, d'ici la fin de l'émission, on va bien arriver à la trouver. On l'annoncera dans la page du concert. Inner Disc, performance de Welkin Rodriguez. Il y a une expo là-bas et il y aura des disques de Hesch à vendre. Ah, ben, très bien. Et histoire de se faire une idée de ce que l'on ira à acheter donc, à Inner Disc pour le vernissage de cette expo de Welkin Rodriguez, le trompettiste de Hesch, et ben, on va écouter un morceau de Hesch. C'est la face B de ce 45 tours. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Merci beaucoup, Eddy Boubaker, de nous avoir téléphoné. Merci, Jean-Philippe. Esta noche vamos todos a bailar. Esta noche vamos todos a bailar. Esta noche ahí vamos todos a bailar. Yeah! Ça dit tout, vous avez une technique remarquable. Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci ? Son orifice est simple et large. Oui, malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment ? Au caramel mou. Oui, ici on travaille toujours au caramel mou, y compris Jean-Pierre Lérac, à ma droite immédiate, qui va nous raconter eh bien, ce qui se passe la semaine prochaine à la CAFPO, lieu du dernier concert d'Un pavé dans le jazz de la saison. Voilà, alors c'est vrai qu'on joue les prolongations, on devait arrêter la saison au mois de mai, puis on a décidé de faire une petite prolongation, un peu grâce à Yann Bialad, qui a accepté de nous recevoir, pour ce concert du 24 juin, donc dans la cour de la CAFPO, avec l'orchestre Baraka Free. Alors Baraka Free, c'est un grand ensemble, hein, c'est aussi un collectif. Oui, d'un son issu plein de formations dont on va parler dans deux minutes, mais d'abord, rappelez-nous un peu qui sont les Baraka Free. Qui sont les Baraka Free ? Les Baraka Free, on en a déjà parlé ici, mais comme je les aime beaucoup, je m'en lasse pas. Les Baraka Free, donc, c'est un collectif qui est... La plupart des musiciens du collectif sont viennent de la fac musicologie à Jean Jaurès. Et c'est un détail qui a son importance. C'est là qu'ils se sont connus et c'est là qu'ils se sont constitués. C'est là qu'ils se sont constitués, mais c'est là aussi qu'ils ont eu la chance de rencontrer à travers une masterclass Christine Wodraska. Et je pense que cette rencontre a été déterminante dans le choix des musiques, de la voix qu'ils vont prendre après. Donc Christine Wodraska, une intervenante à Jean Jaurès, mais surtout une pianiste improvisatrice. Puis voilà, on est vraiment dans le monde de la musique impro. Et ça leur a donné ce goût de l'aventure. Donc à partir de là, bon après ils sont allés se nourrir un petit peu à Jazzalus, dans les festivals un petit peu comme ça, au concert du pavé. Et ils ont vraiment envie justement d'aller sur ces sentiers-là qui sont un peu plus, vous le savez, un peu plus caillouteux. Voilà, on sort de l'autoroute. Et donc ça les intéresse. Et alors moi, j'ai suivi évidemment leur parcours depuis le début. Il y a 4 ans, on les avait programmés dans le cadre d'un pavé dans le jazz au Théâtre du Pavé. C'était quand même parce qu'on avait envie de voir un petit peu, de les aider à se lancer. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un gros potentiel, il y avait encore un peu de fragilité, mais c'est normal, ils étaient tout jeunes. Et donc on sentait qu'il allait se passer beaucoup de choses à travers ce groupe. Donc on a suivi, j'ai attendu un petit peu, et c'est vrai que pour moi ça a été déterminant. Je me suis dit, il y a 2 ans, on a fait le pari de les faire jouer à Jazzalus sur la grande scène. C'était un pari. Moi, j'avoue que là, j'étais pas très rassuré avant le concert. Je savais pas trop ce qui allait se passer. Donc, une espèce de confiance qu'on leur a fait. Et pour le coup, c'est un pari, évidemment, qui a été plus que réussi, puisque ça a été un triomphe, quoi. Le public s'est levé. Le public s'est levé. Ils ont vraiment... Bon, je crois que ce jour-là, ça a été un petit peu une validation, quelque part. Parce que ça voilà, c'était moi j'avoue que j'étais très ému à la fin de ce concert. C'est ce pari, quand vous réussissez des paris comme ça. Donc pour moi, voilà, donc ce jour-là, je pense qu'ils ont compris que voilà, ils pouvaient continuer à faire cette musique-là. Et c'est d'autant plus important que Silex, c'était la première fois qu'ils le jouaient en public. Et c'était le répertoire qu'ils avaient monté pour Jazzalus. Pour Jazzalus, et c'est un répertoire après qu'ils ont continué à faire tourner. Et puis à partir de ce concert-là, ils ont eu l'opportunité de jouer dans d'autres festivals, notamment Mulhouse, ce qui n'est pas rien. Ils vont prochainement jouer au Festival de Bruisme à Poitiers, qui sont quand même des lieux référents pour des musiques aventureuses. Et donc voilà, nous on s'est dit c'est vrai qu'on c'est peut-être bien de les faire revenir à Toulouse pour retrouver un petit peu, voilà, avec cette maturité, voir un petit peu ce qu'ils sont capables de lancer. Alors c'est sûr qu'autour d'eux, il y a quand même tout un public, il y a quand même, c'est des jeunes évidemment, ils circulent beaucoup, ils font un petit peu la bringue, ils rencontrent plein de gens. Donc il y a tout un, parce que c'est vrai que vous parliez Baraka Free, 5 collectifs, c'est quand même le groupe principal. Mais de ce collectif, il y a quand même aussi beaucoup d'autres formations. On va citer Tarzan et Tarzan. Qu'est-ce qui est la plus connue, voilà, oui. On va citer Bol. Bol aussi. La plupart des musiciens de Bol qui sortent de Baraka Free, qui vont se produire cette année à Luz. Il y a aussi Brecht. Oui. Donc c'est un vrai collectif. Et moi je dis, c'est un vrai collectif en plus. par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on les voit, il y a une vraie amitié entre eux. Il y a vraiment une complicité. Ils aiment être ensemble et partager des choses. Et ça se voit sur scène. C'est un vrai collectif. On n'est pas là juste parce que par rapport, c'était plus pratique de faire un collectif pour défendre administrativement. Là, on est vraiment sur un projet. Et puis voilà. Et moi, je dis, ce sont les musiciens qui font le jazz d'aujourd'hui. Pour moi, en ce qui me concerne à Toulouse. Mais aussi, c'est des musiciens qu'on va retrouver pendant un moment encore dans cette ville, parce que plus ils sont généreux, ils ont de l'imagination, et puis après, ils ont envie de continuer à étonner, quoi. Oui, et puis en dehors du collectif Baraka Free, ils jouent avec plein d'autres formations. Le trompettiste, on l'a vu cet hiver avec un groupe complètement étonnant et détonnant, UHO. Ferramia aussi. Ouais, voilà, et Ferramia qui continue. On a pu voir une des chanteuses faire des vocalises. Oui, un petit peu. On est presque sur la variété, sur Marion. Voilà, et sur Marion, mais également sur des groupes de polyphonie vocale. Également pour Sarah Bro. Pour Sarah Bro. Enfin, bon, voilà, c'est des gens qui bougent beaucoup. C'est toute beaucoup, une dynamique autour de ce groupe. Et qui vont voir dans plein d'autres styles et avec plein d'autres musiciens. Vous parliez de Silex, dans ce répertoire qu'on avait écouté pour la première fois il y a 2 ans à Jazzaluz. Silex a continué à vivre son petit bonhomme de chemin et a été enregistré. Et c'est aussi l'occasion, le concert de la semaine prochaine, de présenter cet album qui va sortir là. Silex, le deuxième album de la Baraka Free. Voilà, c'est une occasion de le présenter, mais aussi de voir le chemin qu'ils ont fait. Il y a une grosse maturité derrière maintenant, vraiment, et une grosse expérience. Voilà, ils sont tout jeunes encore, mais franchement, c'est... Et encore une fois, merci à Yann pour nous recevoir à la CAFPO. Voilà. Je pense que ça va être quand même un moment bien parce que c'est dans la cour de la CAFPO. Il y aura des petites formations avant le concert du Grand Ensemble. Et puis voilà, et puis la convivialité autour. Quoi. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'orage. C'est ça, que l'été ait commencé. Voilà. Le Yann dont vous parlez, c'est bien entendu Yann Valade, le patron de la CAFPO. Donc, dernier concert d'un pavé dans le jazz. Ça se passe vendredi prochain, 24 juin, à la CAFPO, à partir de 20h30. C'est Baraka Free. Baraka Free, dont on va tout de suite écouter Noise, extrait donc de cet album qui sortira la semaine prochaine. Et qui s'appellera... C'est une sortie d'album d'ailleurs. Voilà. Et qui s'appellera Silex, tout de suite Noise Baraka Free. We'll be right back. tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul ? Ça m'intéresse pas du tout, ce temps-là, avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, alors ? Caramel ! Bouh ! Et avant de passer à l'invité, l'autre invité du soir, Laurent Cartier de l'ISDAT, rappelez simplement, puisqu'on parlait de Baraka Afri il y a deux minutes et on vient de les écouter, un qui seront donc le 24 juin, la semaine prochaine, à la CAFPO, pour présenter cet album, Silex et le jouet, en direct. Et puis, rappelez aussi qu'il y a eu une bonne nouvelle cette semaine, que l'on a appris, je crois que c'était lundi ou mardi, en début de semaine, le fameux concours de la Défense, le concours jazz de la Défense qui se passe traditionnellement maintenant là. La sélection a été donnée pour les 6 finalistes et parmi les 6 finalistes il y a 3 formations toulousaines, dont Bol et dont Inuit, que l'on a beaucoup écouté dans Caramel Mou depuis ces 2-3 dernières années. Et on était très contents de... Ça fait plaisir. Ah ouais, de voir le chemin qu'ils ont fait depuis qu'ils existent, depuis 2-3 ans. Et puis voir où ça les amène. Félicitations à eux deux. Allez, on passe à la suite. Je le disais en début d'émission, l'ISDAT va mal. On en avait déjà parlé, c'était en mars, il y avait eu quelques mouvements de grogne du côté de l'ISDAT, il y avait eu un mouvement de grève aux alentours du 18 janvier, les choses ne s'étaient jamais réellement calmées, même si les professeurs étaient rentrés dans leurs ateliers et les élèves avaient suivi, mais n'empêche que la grogne était persistante. Laurent Cartier, un élève de dernière année à l'ISDAT, était venu nous parler à ce moment-là des événements et du ressenti et de l'ambiance à l'ISDAT, à défaut de rencontrer le directeur, puisqu'on avait pris rendez-vous avec lui, mais c'était juste au moment où il s'est éclipsé. Et depuis, apparemment, il n'est pas revenu. Et puis, la situation a pourri depuis. Et on arrive à cette fin juin où il y a eu un mouvement de grève, où quand on se trimballe sur les quais de la Garonne et qu'on passe devant l'ISDAT, il y a un certain nombre de banderoles qui continuent à y être accrochées, qui réclament des sous, des moyens, des informations. Qu'est-ce qui se passe réellement, Laurent Cartier, à l'ISDAT en ce moment ? Merci de m'accueillir. Ce qui se passe dans notre école, c'est déjà un certain flou qui était grandissant. Depuis la dernière fois où on s'est parlé, ça n'a fait qu'augmenter. On arrive à une étape où, au début, c'était les budgets des ateliers qui étaient coupés, parce qu'il n'y avait plus personne en fait, pour payer. Pour signer du coup pour tous les paiements qui étaient demandés pour acheter du nouveau matériel. Donc c'était déjà ça qui était à prendre en compte pour la préparation des diplômes, pour la préparation des examens, pour toutes les années d'études étaient concernées. Il n'y avait personne qui était épargné. Et on arrive en fin d'année et on commence à réaliser qu'il y a un climat assez tendu. Et la plupart des enseignants, la plupart des moniteurs des différents ateliers finissent par apprendre que leurs contrats ne sont pas renouvelés. Donc on a le cas par exemple de l'atelier bois, le moniteur de l'atelier bois il y a quelques jours, à qui on a appris que c'était fini pour lui. Qui, du coup, l'atelier bois, on est encore dans la phase de diplôme, de préparation, tous les diplômes ne sont pas encore passés, et l'atelier bois est fermé là jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire que les étudiants qui ont des projets, qui ont besoin d'utiliser du coup cet atelier, n'y ont pas accès. Donc on a déjà... Bah, quelque chose de vraiment d'effectif, là, on a vraiment quelque chose qui fait peur, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas où on va, et même pour finir l'année, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a de nombreux postes pour de nombreux cours dans la pédagogie, où on ne sait pas s'ils seront renouvelés. Donc il y a des projets qui ont été entamés cette année, et qui, pour ceux qui seront là l'année prochaine, du coup, c'est pareil, c'est dans le flou. Je pense aussi à ceux qui ont passé le concours d'entrée, qui sont venus aux journées portes ouvertes. On leur a vendu une école avec vraiment une pluralité de médiums, ce qui faisait vraiment la richesse de cette école et qui a permis aussi à chaque diplôme de montrer que toutes les possibilités qu'on pouvait faire, que la pratique artistique, c'est quelque chose de très vaste. Et c'est ce qui faisait la force de notre école. Et aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va avec cette situation. L'argent, au niveau de la trésorerie, tout est hyper opaque. Oui, parce qu'on parle quand même d'un trou actuellement de 500 000 euros. Et pourtant, c'était une école qui n'avait pas de déficit il y a encore 3 ans, en 2020. C'est ça, et on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir quand on réclame justement pour savoir où est passé l'argent, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, on veut bien comprendre qu'il y a l'excuse de l'inflation, de l'augmentation, par exemple, des coûts de l'énergie, mais qu'on en arrive à un stade où aujourd'hui on a ce trou, et encore, on n'a pas encore, il y a un audit qui est prévu, donc on ne sait même pas, ça se trouve que la situation est bien pire. Et ça, on n'a pas d'idée de comment on va faire pour faire face à cette situation, parce qu'on ne sait même pas l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce qu'on vous dit, j'allais dire au niveau de la direction, je ne vais pas le dire au niveau de la direction, puisqu'il n'y a plus de direction, mais qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des autorités de tutelle, donc la DRAC, mais aussi la mairie de Toulouse? Le problème, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là où on ne sait pas l'état du coup des finances, donc c'est compliqué d'aller après faire des demandes et de demander du coup aux tutelles d'intervenir. Il y a aussi une sorte de dialogue qui est rompu, parce que le fait de ne pas avoir de direction, c'est compliqué. Nous-mêmes, l'école est déjà en autogestion. Il n'y a pas suffisamment de personnes, du coup, pour s'occuper de tous les points de vue. Au niveau du paiement, là, c'est très récemment qu'ils nous ont délégué quelqu'un pour s'occuper de ça. Dans des paiements pour les professeurs. C'est ça. Mais là, on est dans des... Vraiment, c'est quelque chose de très administratif. Il n'y a pas de prise en compte de la priorité, de la pédagogie, de qu'est-ce qu'il faut prévoir pour le futur. Ouais, là, et puis, ce n'est pas son rôle. Et la personne qui a été nommée, donc je le citais tout à l'heure, le directeur des musées de Toulouse, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est féru en pédagogie, sûrement. C'est quelqu'un qui n'est pas au courant du fonctionnement même de l'école. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des ateliers, par exemple, où il y a les responsables de ces ateliers qui partent à la retraite, et on considère que ces ateliers ne sont pas importants ou prioritaires, et du coup les postes ne sont pas renouvelés, et du coup c'est la fin de ces ateliers. Les ateliers qui pourtant ont énormément de matériel, ils proposent vraiment un savoir unique. C'est le cas par exemple de l'atelier d'électronique. Il y a énormément de projets qui ont été créés, même récemment pour le nouveau printemps, on avait une exposition avec des néons, et donc il y avait tout un système d'animation, de paramétrage, de programmation, et si on n'avait pas eu quelqu'un qui pouvait justement avoir ce savoir et nous le prodiguer, on n'aurait pas pu mettre en place une telle exposition. Là, il y a aussi le cas de Claude Tissier qui part à la retraite pour l'atelier son. Bah, pareil, on n'a pas trouvé de remplaçant, enfin il n'y a pas même, on n'a pas l'impression qu'il y a, y a de la recherche même de quelqu'un pour reprendre le poste, et on a un atelier son du coup qui est du coup à l'arrêt. On ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que, pour l'instant, il n'y a pas d'idée de reprise de poste. Il y a des moyens qui ont été investis par le passé. On a vraiment du matériel, de quoi faire. Il y a des étudiants qui ont commencé des projets qui, par exemple, vont aller au diplôme l'année prochaine. Ils ne savent pas du coup comment ils vont faire. Il y a des étudiants qui ont peut-être choisi cette école-là plutôt qu'une autre école pour peut-être ces différents ateliers. Et du coup, les gens arrivent dans un état de flou, c'est très stressant, ça crée un climat assez stressant, parce que même nos professeurs, on le ressent eux-mêmes, sont dans des situations précaires, ils ne savent pas où ils seront l'année prochaine, est-ce que leur contrat sera renouvelé. Donc il y a cette tension, et nous en même temps, on se retrouve à passer nos diplômes dans ce climat qui est assez particulier. La validité des diplômes peut être remise en cause ou pas ? Normalement non, mais pour cette année je pense pas, mais pour l'année prochaine ça peut compliquer les choses. Est-ce qu'il y aura déjà une année prochaine? La mairie de Toulouse a dit que tant que le résultat des deux audits qu'elle a commandé ne serait pas connu, il était pour elle hors de question de parler de reprise ou pas de poste, d'augmentation. Elle attend le résultat des audits. Un des deux audits ne sera donné, le résultat ne sera donné qu'en septembre. Ça veut dire que jusque là ça apparaît quand même assez flou. C'est ça qui fait vraiment peur, parce que la préparation d'une année au niveau pédagogie, ça se fait en amont. Et si on est dans un flou complet, je ne vois pas comment on peut préparer dans des bonnes conditions une rentrée et même toute une programmation sur une année. Il y a énormément de choses qui sont impliquées chaque année. On a des partenariats, il y a des résidences, il y a énormément de projets qui sont dépendants du coup de ces budgets. Et même au niveau des cours, de quels cours seront vraiment dispensés l'année prochaine. Quand on est dans un tel flou, c'est pas possible. Je vois pas comment ça va évoluer et on n'a pas l'impression non plus que les instances de tutelle sont réceptives. C'est pour ça qu'on a lancé du coup cette pétition qui a déjà bien fonctionné, mais c'est pour ça aussi que j'encourage les auditeurs à participer. Ça prend 30 secondes. Ils ont juste à taper ISDAT en danger et ils pourront retrouver normalement que ce soit il y a les réseaux sociaux de tous les côtés et juste participer en signant cette pétition. Comme ça nous donne un poids. On a déjà vu au milieu de l'année qu'on avait déjà eu cette force, du coup, on s'était déjà vu, c'était déjà un mouvement qui avait pris, on avait eu une enveloppe de 250 000 euros qui avait été débloquée. On a pensé que ça suffirait au moins pour un certain temps, et on s'est rendu compte que c'est même pas encore la fin de l'année et que c'est déjà pas suffisant. Mmh. Et on ne sait même pas à quel point ce sera pas suffisant. Donc, Il y a des réponses qui pourraient être données au prochain CA qui, si je me souviens bien, va se passer jeudi prochain, 23 juin. On espère justement avoir un peu plus de clarification, d'y voir un peu plus clair, mais c'est toujours compliqué. En plus, on n'a pas de directeur, donc on n'a pas de personne habilitée pour aussi comprendre tout cela. Donc c'est énormément de gens qui s'investissent, que ce soit des professeurs, que ce soit même des étudiants. Donc on a vraiment cette espèce d'engouement qui se fait, mais ce n'est pas forcément les personnes les plus habilitées de pouvoir prendre ces décisions et agir. C'est aussi pour ça qu'il y a ce besoin d'implication des tutelles, et pas seulement au niveau de juste donner de l'argent, mais aussi pouvoir s'investir pour que cet argent aussi soit bien géré et qu'on sache un peu pouvoir se relever. Une direction à cette école. Le directeur qui est en partance, puisqu'il a demandé à ce que son mandat ne soit pas renouvelé, était là depuis 5 ans. C'est des problèmes qui étaient sous-jacents depuis 5 ans ou ça tombe maintenant ? Bah comme vous le disiez, en 2020, normalement, on était dans des bénéfices. Enfin, l'école avait plus d'argent. C'était ça aussi qui permettait pas des bénéfices. Vous n'êtes pas une entreprise commerciale. C'était, mais il n'y avait pas de déficit. On avait des fonds, en fait. Ouais. On avait des fonds, excusez-moi. Et on n'était pas inquiet. Et on s'est rendu compte que plus les années passaient, plus la situation s'aggravait. On a même été surpris. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. Et plus on commençait à creuser, plus on réalisait que... Ce trou était de plus en plus profond. Il y a eu des alertes qui ont été données sur ces 5 dernières années par rapport à des choses que vous pouviez ressentir. Alors on a ressenti qu'il y avait des... On ne comprenait pas parfois où l'argent était investi. Par exemple, il y a toute la charte graphique de l'école qui a été refaite. Énormément de choses, des dépenses des fois qui paraissaient peut-être superflues. Après, ce n'est pas forcément des éléments qu'on peut maîtriser. On voyait ça, on ne comprenait pas forcément l'ampleur de ces dépenses-là. Mais c'est vrai que quand les questions de budget ont commencé à apparaître, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce que ça venait de là ou de là ? Donc même, ça a créé un climat aussi assez malsain, je trouve. Parce que, par exemple, il y a eu une quantité d'éditions qui ont été produites. Les personnes se sont demandé est-ce que c'était de là que ça venait ? Donc ça a créé une tension entre les différents pôles de l'école, c'est ça aussi qui... Quand vous dites des éditions de livres. C'est ça. Des éditions de catalogues, des éditions de livres. Donc il y a différentes éditions, ça a créé ce climat de tension entre les différents pôles, parce qu'il y avait le pôle de la pédagogie qui, pour lui, l'école des Beaux-Arts, l'intérêt c'était vraiment de tout miser sur la pédagogie, de mettre vraiment les étudiants dans les meilleures conditions possibles. Et il y avait ce ressentiment que ce n'était pas forcément ce que la direction cherchait à faire. Mmh. Bon, mais la suite pour vous, donc c'est la fin de l'année, c'est-à-dire au moins finir de passer les examens pour tous les étudiants en cours, que ce soit les premières jusqu'aux dernières années. La rentrée, normalement, elle se fait quand ? Ça, normalement, c'est encore dans le flou. On n'a pas de date précise, donc je pense que c'est... Et puis même, on avance à tâtons. Mmh. Je pense que déjà, avec le prochain CA, on ira verra plus clair, avec l'audit aussi. Mais c'est difficile de se projeter. Et c'est déjà que le monde de l'art est assez précaire. Mmh. On le ressent encore plus rien qu'en étant étudiant. Mmh. Et pour des étudiants qui, par exemple, sont en dernière année, comme c'est mon cas... C'est vrai que ce n'est pas très rassurant comme situation. Ouais. Ça fait peur aussi pour nos camarades qui, eux, sont juste de l'année d'avant et qui se demandent comment ils vont faire pour terminer leur cursus. Donc ouais. Ça, c'est déjà un climat assez particulier. Mmh. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. On va veiller un peu à ce qui se passe dans ce CA du 23 juin. On en reparlera ici. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous réexpliquer exactement la situation à l'ISDAT. Où je rappelle, l'ISDAT en ce moment, c'est pas la grande forme. C'est cela. Merci beaucoup. Merci à vous. Mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Daphne, I love you. Oui, ben voilà, Caramel Mou, ça va se terminer dans quelques instants. Il y a notre bon professeur Thibault qui est resté bloqué, pas de métro ce soir. Donc, on va passer directement à la rubrique concert. Une rubrique, je vous le rappelle, élaborée avec le concours du Distorama, l'agenda culturel des bas-fonds toulousains. Agenda que l'on peut retrouver soit sur le net, mais aussi en version papier dans toutes les salles de concert et les bars de la ville. Et ce soir, les concerts, eh bien, ça commence avec un concert aux Ogresses, avenue de Muret à 20h30, avec la pop de cour de récré. Ça continue au Ravelin avec deux groupes post-punk, Novo Skelter et puis également Meta à Matahari. Aux Bijoux, soirée sortie d'atelier de l'école de musique musicale, comme Musical le fait traditionnellement aux alentours du 20 juin. Ça commence ce soir aux Bijoux à 20h30 et puis ça continuera la semaine prochaine à l'espace Job où il y aura la fin des sorties d'ateliers et des cycles 1, 2, 3 de cette école de musique toulousaine. Donc ce soir Musical est aux Bijoux avec ses sorties d'ateliers à l'OTAN, le bar du rond-point Arnaud Bernard, du rock et du blues rock ce soir avec The Beat Ground à partir de 21h. L'OTAN qui continue à faire régulièrement des concerts depuis 3-4 mois. Il y a de la pop ce soir au Dada avec à partir de 21h Pomade, la prestation solo guitare voix synthé de Kevin Collin que l'on a déjà vu au sein de Boost 3000 et des Crazy, suivi d'un duo là aussi chanson plutôt particulière et déjantée, duo répondant au joli nom de Attention Pardon. Donc tout ça ce soir au Dada à partir de 21h. Du rap aux connexions live à partir de 19h30 avec le parisien Sako Sama à l'occasion de la sortie de son dernier EP Théorie. Finalement peu de concerts ce soir à Toulouse. Pas mal de lieux ayant sans doute choisi de faire l'impasse pour la soirée et d'aller voir ce qui se passe du côté de la Prairie des Filtres où le festival Rio Loco va encore battre son plein pendant tout le week-end jusqu'à dimanche. Avec ce soir, et bien ce soir, Sunti et The Stone Monks, un groupe écossais de raga, de reggae et de dub, chanté par une jeune fille d'origine indienne. Allez comprendre quelque chose à tout cela. En tout cas, la musique qu'elle fabrique est absolument jubilatoire. 19h45, donc Sunti and The Stone Monks, du reggae écossais, suivi de Loose and The Yakuza à 21h45, ça c'est plutôt de la pop électro française. Et puis pour finir la soirée à 23h15, Through and the Shine, un groupe angolo-portugais qui joue une version plutôt électro-rock du Kuduro. Le Kuduro, un genre qui a vu le jour dans les années 90 en Angola, s'inspirant largement du hip-hop. Trois concerts entrecoupés de deux DJ sets à partir de 20h30. Le premier sera animé par la somalienne DJ Ibotep et puis à 22h30 nouveau DJ set avec cette fois la DJ de Côte d'Ivoire Asna. Pour le reste de la programmation www.rio-loco.org, vous aurez tout ce qui se passe demain soir et dimanche et donc ce soir à 23h15 Through and the Shine que l'on écoute Illico Neo Kerem Saber. Sabe o que dizer? Esse mambo vai doer. Yeah. Abre o olho, tás a ver? Eu também não quero saber. Come on, tô a te dizer, cheque. Quem fala primeiro bate bué. Importante é tá conhecer. Se é verdade, não conseguem ver. falar. Se dá pra confiar, não dá pra imaginar. Ou fica no caminho, ou deixa te levar. Corrida louca, não dá pra acreditar. Se tu quer ganhar, tem que acelerar. Pisa fundo pra não ficar calmo. Objetivo aqui é só ganhar. Pisa fundo, já tô te falando. Se não, troféu não vai levantar. Camone, tô a te desejar. Quem fala a verdade pra ti, ué. Importante é dar conhecer. Se é verdade, não conseguem ver. Não querem saber. Se vai doer, não querem saber. Importante é que vai bater bué. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, puisque nous reprendrons le contrôle de Campus FM vers 23h, 23h ce soir, pour une nuit blanche de Caramel Mousse, avec plein d'invités surprises, des archives, de la musique en direct. On va mettre le piano comme il faut dans le studio pour que les gens n'hésitent pas à s'en saisir. Et je vous jure que là, ça sera pas le hall de gare de la gare Matabiau avec le traditionnel piano qui maintenant trône dans toutes les gares de France et de Navarre. Là, les gens qui vont jouer ce soir du piano savent s'en servir. Voilà. D'ici là, eh bien, peut-être que John Little vous dévoilera le contenu de son nouveau et génial Incredible Little by Little Wicked Show. Mais je ne l'ai pas encore vu arriver dans cette radio, donc ça sera la surprise aux alentours de 19h30. Demain soir à 22h sur Campus, nouveau numéro de La Liste. Et La Liste de demain soir est celle du guitariste et bassiste acoustique Mathieu Sourisseau, que l'on voit régulièrement jouer avec la chanteuse éthiopienne Etenesh Wassier. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des musiciennes Octopussy, un octet féminin qui va bientôt jouer à la CAF Poésie. Elles nous parleront un peu de leur musique, de ce groupe qui vient d'être monté, et puis du concert qui sera donné à la CAF Poésie la semaine d'après. Et puis nous recevons également Pascal Dessin, qui vient de faire paraître aux éditions Rivage 1986 l'affaire Jules Vatrin, une narration fougueuse et minutieuse d'un événement dramatique survenu en janvier 1886 à De Caveville, sur fond de mouvement de grève des mineurs. Voilà, donc il y a de quoi faire encore la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à tout à l'heure à 23h pour la nuit blanche de Caramel Mou. Salut les filles. Caramel, Caramel Mou.